vamos a intentar nosotros hablar con Carlos, tu amigo. ¿Se puede poner? Sí, sí, se puede poner. Venga, muchas gracias, Lule. Hablamos con él, que hable despacito, que hable muy despacito, a ver qué podemos ir traduciendo. Ajá, Daco. Fújale, Guzmán, puyo capaz de traducir. Ok, cuidado. Aló, bonjour. Aló, Saba. Ok, c'est Guillaume Carlos, en fait, depuis Haïti. Aló. Je t'écoute. Ok, avec Loulé, c'est madame pour que moi, pour que j'explique la situation, comment ça se passe en Haïti, après, en fait, le séisme, c'est ça? Un moment. Ici, Rafa est notre collègue. Et il va traduire. Oui, j'essaierai de vous traduire le mieux possible. Et enchanté de faire votre connaissance et être en connexion avec Haïti. Ok. Mon nom c'est Guillaume Carlos. Su nombre es Guillaume Caol. Carlos. Carlot. Oui. Ok. Je suis en fait Haïti. Je suis haïtien alors. Soy de Haïti. Soy haïtien. Ok. Je suis avec Loulé depuis le séisme. Yo estoy con Loulé desde que ocurrió el séisme. Disons, nous travaillons ensemble sur le point humanitaire et autres pour aider la population. ¿Trabajamos juntos en el terreno humanitario? Elle m'a demandé de parler avec vous. Est-ce que, en fait, est-ce que je peux savoir de quelle station s'agit-il depuis Sénégal? Me ha pedido hablar con ustedes. Yo quería saber con qué estación de Senegal estamos hablando. Il faut vous préciser alors, nous sommes une radiostation communautaire de Zicanari à Tenerife en concret. Ça s'appelle Radio Geneto. Et dans cette station, il y a une association à laquelle on appartient, Pili, Anna, moi, ici à Tenerife, on s'appelle Puente Humano, et on est actuellement en connexion, à part avec vous, on est en connexion avec Sénégal, avec Amadou Ba, qui est un intégrant de cette organisation de base, Puente Humain. Et Amadou, je pense qu'il nous entend là-bas. Amadou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, et oui, je vous écoute, mon frère, et je suis très content de faire votre connaissance. Et ça a été un très grand plaisir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai parlé avec un haïtien, un frère haïtien, parce que vraiment nous partageons la tristesse et la douleur avec vous, ce qui s'est passé là-bas depuis le Sénégal. Et des larmes ont tombé et des enfants ont pleuré. On a cessé nos cours et pour partager avec vous cette douleur. Les enfants ont chanté pour vous et on a enseigné nos enfants l'histoire d'Haïti. Le peuple haïtien est vraiment, je suis très heureux et vraiment très, très ravi pour moi de pouvoir vous écouter et pour au moins pouvoir avoir parce qu'aujourd'hui je suis vraiment très rassuré que je vais recevoir les vrais témoignages, les vrais propos du vrai haïtien. Ok, Guillaume, merci, est-ce beaucoup. Que tu peux écouter bien Amadou? Tu l'as bien écouté? Ouais, j'ai bien entendu. Le plaisir est aussi pour moi de communiquer avec lui aussi, parce que en passant, il est quand même mon frère, parce que nous les Haïtiens, nous savons bien que les Sénégalais, l'Afrique en quelque sorte, nous sommes des descendants d'Africains, et les Sénégalais sont tout à fait notre frère. Vous comprenez? Très bien, très bien, très bien. Et je pense que c'est mieux dans ce moment-là. Qu'on commence à parler plutôt en français et on fera des petits résumés parfois. Señores, señoras, amigos, amigas, Amadou de Sénégal se ha presentado y le ha contado cómo en Senegal los niños han aprendido sobre Haití en estos días de atrás, cómo han bailado y han llorado por Haití. Y bueno, Guillaume se ha presentado también y está contento de estar en contacto porque son afrodescendientes. Alors, ouais, Guillaume, on a beaucoup de questions à poser, mais surtout, je pense que c'est prioritaire de vous donner directement la voix pour amplifier un peu ici aux îles Canaries et à Sénégal, ce que vous pensez que c'est nécessaire d'amplifier et que vous pensez que peut-être les grands médias ne sont pas en train d'amplifier? Ok, ok. Ok, ok. Et je ne sais pas exactement, et Amadou, ou je ne sais pas, en fait, si vous avez des questions pour moi, parce que j'ai bien vu ou j'ai constaté ou j'ai vécu la situation depuis le séisme, depuis Haïti. Donc, je ne sais pas de quelles questions vous avez pour moi maintenant. Ok. Amadou, tal vez tu quieres commencer à faire les preguntas. Oui. Bonjour, mon frère. Je voudrais vraiment vous poser des questions. La première question, c'est une question d'une manière générale. C'est pour que vous nous disiez, parce que bon, pour vous dire, avant de poser la question, pour vous dire, moi, j'ai fait partie l'une des personnes qui ont peur et qui se méfient de certains moyens de communication. La raison pour laquelle je veux que tu nous dis en résumé, en quelques mots, comment ça s'est passé la situation en Haïti. Bon, la deuxième question, c'est que ici, en Afrique, je te dis, il y a des frères qui se battent contre certains moyens de communication européens et aussi africains, et certains politiciens, parce qu'on pense que certains utilisent la catastrophe haïtienne pour se faire de l'argent. En dehors d'Haïti, il y a certains politiciens, il y a certains moyens de communication qui utilisent la catastrophe haïtienne pour se faire de l'argent. Combien de guerres on organise dans certains pays? Combien de journées de solidarité en Haïti qu'on organise dans certains pays, surtout en Afrique? Et on récupère beaucoup d'argent. Et il y a certains qui disent que cet argent-là n'a même pas bougé pour sortir du continent. Donc ça veut dire qu'il y a certains gens vraiment qui sont, je regrette, qui ont profité de cette catastrophe pour se faire de l'argent. Ok. Allô? Oui, on t'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on t'écoute, oui. Ok. Et je peux commencer à répondre à la deuxième question, mais je n'ai pas bien entendu la première. Et si Amadou, si vous me permettez, en ce qui a trait avec les gens qui profitent de la situation pour gagner de l'argent, mais c'était toujours comme ça, même avant le séisme. À chaque fois qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Mm-hmm. Allô? Oui, j'ai été traduit un peu. Guillaume nous está contando que siempre es lo mismo cuando hay una catástrofe. Y desde antes del séisme, hay gente que se aprovecha y que saca tajada de esta, del desastre. ¿Dónde écoute, Guillaume? Pour le présent moment. Nous avons beaucoup de monde qui sont logés dans des situations très, très, très, très difficiles, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'endroit à loger tout à fait. Donc, nous n'avons pas vraiment une situation qui prend en main par l'État ou par des organisations internationales. Et en plus de, nous espérons avant ou après, nous espérons avoir des organisations qui investissent dans l'agriculture, dans l'économie et pour faire produire, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, et en dehors de ça, Nous pouvons comprendre, il existe des organisations qui donnent certaines choses qui n'ont pas vraiment de valeur et qui ne peuvent pas tout à fait solutionner au problème. Mmh. Est-ce que là, ça va? Oui. Ouais. Ok. Amadou, puedes resumirnos tú un poco la respuesta de Guillaume? Así, en español. Allô? Amadou, ¿tú podrías resumirnos la respuesta de Guillaume en español? Ah, vale. Et bueno, Guillaume disait que siempre es así. Si hay catastrophes naturales, hay gente que se aprovechan para hacerse dinero. Y bueno, él dice que, bueno, ellos realmente, bueno, hay catástrofe y después de remonte, se dice en español, y ellos, bueno, han sufrido mucho y, bueno, es claro que necesitan la ayuda de las organizaciones internacionales humanitarias para ayudarles en la economía, al nivel social y en todos los niveles para que ellos salgan. Y bueno, No he oído bien, como se dice, al final de D'accord. su respuesta, Vale, yo quería cuando hacer dice que una. las organizaciones que no, que no, que no, que con pocos medios, no sé lo que quiere decirme esto. Voilà. Je voudrais vous poser une Bien. question, Guillaume. Est-ce que vous participez concrètement dans quelques associations haïtiennes pour savoir un peu de cette association? Ok, en fait, oui. Et maintenant, il faut dire avant tout que moi-même, je suis journaliste pigiste. Est-ce Ok? périodiste? Je suis journaliste pigiste. Grâce à ça, et j'ai eu la possibilité quand même de visiter ou de contrôler la situation. Gracias a eso tuvo la posibilidad de visitar y de controlar un poco la situación. Voilà. Alors, si j'ai bien entendu, vous vous avez mis à participer dans les activités d'assistance à la population. Ok. Oui? Loulé, grâce à Loulé, elle fait partie d'une organisation qui s'appelle Amertel. Et grâce à Loulé, disons, elle nous a aidés depuis le séisme et elle nous a accompagnés pour aider toute la population. Moi, elle et moi, nous étions tout à fait ensemble au cours de ces activités. Vous comprenez? Oui. Nos está contando que gracias al contacto con Lule, pues ha podido encuadrarse con una asociación que está actuando para apoyar a la población en la situación en la que están ahora y organizarse, ¿no? Bueno, il y a beaucoup de doutes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que il passera à Haïti pendant la reste de l'année quand il ne sera pas dans les grands journaux télévisifs du monde. Est-ce que vous pensez que la aide va pas continuer à arriver? Quelle est votre impression? Ce point, je pense que nous regardons le président d'abord. Le président a décidé dans un premier temps de stopper les aides, parce que les aides, tout à fait, vont détruire l'économie haïtienne ou encore la production haïtienne. Et maintenant, à la fin de ce mois, je crois qu'il y a plein de compagnies comme l'OIM, PAM et World Vision, toutes ces organisations-là, donc ils sont en train de faire des distributions en cette semaine. Au fait, je pense que dans un mois ou dans 2 mois, donc ce sera tout à fait arrêté. Je pense que ça. Bueno, piensa que en un mes o dos la ayuda se regularizará. Y bueno, que hay una serie de organizaciones que están operando por ahí. Je ne sais pas si l'État, bueno, la France a condoné la dette qu'il avait avec l'Haïti Oui, ou c'est vrai. bien cette dette continue à être là-bas, à être payée pour les pays. Ok. En ce qui a lié avec les dettes, je crois que la France a tout à fait éliminé les dettes donc qu'il y avait avec Haïti. Crée que c'est C'est qu'il tout à l'a fait. Parce que éliminé. dès l'arrivée de M. le Président et Nicolas Sarkozy en Haïti, elle a fait tout à fait un discours sur ce point. Et je crois que c'est tout à fait normal. Et il a dit que c'est tout à fait. Et il a, et, disons, Crée que c'est algo acheté par une normal dette envers que la République française. durante la visita del mandatario francés se expresó en ese sentido, en el de la cancelación de la deuda. ¿Y España, sabes algo? ¿Tú conoces? Es que tu connais si l'Espagne aussi a condamné sa dette? Non, je ne suis pas au courant jusqu'à maintenant. Non, non, non, c'est al corriente. Peut-être Loulé, mais moi non. Ok. Je ne sais pas. Cette semaine, moi, je suis professeur. Et à l'école, j'ai essayé de transmettre à les élèves un peu de l'histoire d'Haïti. Et ouais, j'ai pu constater que tant les professeurs comme les élèves ne connaissaient pas que le premier pays du OK. monde qui a annulé l'esclavage, c'est L'esclavage, c'est ça. l'Haïti. C'est Haïti. C'est ça. Et normalement, les gens pensent que c'est l'Angleterre. No, normalement, la gente piensa que c'est l'Angleterre, le premier pays du monde qui a annulé l'esclavitude. Et c'est faux. Le premier pays du monde en l'histoire qui a annulé l'esclavitude fue Haïti. Est-ce que vous avez l'impression de que l'histoire d'Haïti, ce n'est pas connue à l'extérieur? Oui, c'est exact. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais en classe de terminale, j'ai pris le soin de comprendre la révolution haïtienne. Intentando comprendre la révolution d'Haïti. En fait, je crois dès notre révolution, nous avons ou Dessalines. Vous connaissez Dessalines? Donc c'est le père de la patrie. Ah, donc, está hablando d'un personnage, un padre de la patria d'Haïti. Oui, oui. Vas-y. Okay. Donc Dessalines avait des problèmes avec l'extérieur. Et au lieu de reconnaître notre indépendance, ils ont préféré, disons, les extérieurs ont préféré de dire c'est comme si c'est un gifle pour l'humanité, donc nous ne devons pas être libres. Jusqu'à maintenant, nous comprenons la situation. Nous sommes en Amérique, mais nous sommes le pays le plus pauvre en Amérique. Je crois que nous devons retourner en Afrique. C'est quelque chose que peut-être que nous devons faire parce que absolument, nous avons des problèmes politiques internationaux, des problèmes diplomatiques internationaux. Ils nous tout à fait refusé de quelque chose pour faire développer le pays. Et je crois que c'est la façon dont nous avons pris l'indépendance comme étant la première république nègre du peuple libre du monde. Je crois que grâce à nous, nous avons cassé ce qu'on appelle la chaîne de l'esclavage. Ouais, c'est très important ce que tu dis. Je vais essayer de le répéter en espagnol. Bueno, nos cuenta que en el colegio estudiaban la historia de Haití y que se dan cuenta de que realmente en el momento en el que consigue la independencia empiezan a ponerse todas las grandes potencias contra Haití. Era como si, según ha dicho él, era como si no fueran humanos con derecho a poder ser libres, y entonces se ganaron un montón de enemistades internacionales en ese momento, y eso ha lastrado una serie de problemas políticos y económicos que duran hasta hoy. Y decía que a él le parece que tal vez deban de volver a África porque realmente en América son el país más pobre y no hay manera de poder hacer funcionar las cosas. Merci beaucoup, Guillaume. Je souhaite avoir un peu transmettre ce que tu as dit. Oui, oui, je t'écoute. Écoutez, je me suis demandé souvent pourquoi. Pourquoi nous, a menudo me he preguntado pas, por qué. Nous sommes en Amérique, pourquoi nous ne pouvons pas avoir un monnaie? Pourquoi nous porque si estamos en América no podemos tener una moneda? À même niveau, parce que nous en Haïti nous avons la rien devant le dollar américain. Tenemos comme moneda le dollar américain. L'euro, c'est pour tous les pays de l'Europe. Vous comprenez? Donc en guise de ça, on profite de notre situation de pauvreté pour enrichir les autres pays parce que nous ne pouvons pas produire. Nous avons un problème de famine, nous avons des problèmes d'emploi. Es decir, que se aprovecha alguien de nuestra pobreza. Y nosotros. Tu cuenta no tiene suficientes fondos para hacer esta llamada. On doit vous rappeler, parce que le téléphone est en train de se finir, me honra pran la comunicación. Bueno, es muy interesante todo lo que está contando Guillaume. Lo que le tengo que pedir un poco de ayuda, de hablar un poquito más despacio, porque es difícil traducirlo todo, Ana. Sí, yo me quedo con cuatro cositas. Sí. Vamos a ver, luego podemos rehacer el audio, pero para todo el mundo que está escuchando ahora mismo, que estamos ahora aquí en directo. Amadou, ¿qué te parece lo que nos cuenta Guillaume? Bueno, y muy importante y muy triste, sobre todo su última intervención, y diciendo, bueno, los problemas que ellos siguen sufriendo, porque Haití, bueno, Haití ha sufrido mucho para la libertad. Y bueno, la frustración internacional que ellos siguen viviendo hasta ahora. Y él le parece, bueno, volver a África, porque si lo dices, es que si ellos lo dicen, es que bueno, están decepcionados viviendo y en su propio país, donde han estado, donde pues, también, para decirlo también, Haití ha luchado mucho para tener su independencia. Hay que acordar a la gente, el primer y único estado esclavo. Y mira, Amadou, la última idea que estaba desarrollando acerca de la moneda, si lo entendí bien, estaba diciendo que Haití no tiene una moneda propia, ¿es así? Sí, ellos tienen una moneda propia, dicen que porque ellos no pueden tener la misma moneda que los otros países, ¿sabes? Lo que dice que tiene una moneda propia y bueno, y esta moneda, bueno, es una moneda débil, y porque ellos no pueden tener la misma moneda que los otros países. Ok, creo que ya tenemos. Guillaume, ¿es que tiene la? ¿Aló? Aló, on t'écoute de nouveau. Je dois te demander de faire de silence parfois pour pouvoir mieux traduire. Amadou vient de parler sur le point que tu as traité de la monnaie. Bueno, on continue à t'écouter. Continuamos escuchándote y vamos a intentar traducirte un poquito mejor. Guillaume, la parole c'est à toi. Hola, ouais, Jérôme. Allô? Tu nous entends? Allô? Parece que c'est ahí, hein? Non. Él está ahí. Allô? Ouais, allô, ouais. Nous voudrions que tu parles allô. Une autre fois encore sur la monnaie en Haïti, la monnaie. Queríamos hablar de nuevo sobre la moneda de Haití. On sait que Haïti a sa monnaie personnelle. Et tu parlais tout à l'heure sur la monnaie haïtienne et l'appel a été coupé. Est-ce que tu peux entendre bien Amadou ou bien tu as des problèmes? Creo que está teniendo problemas. Allô, Guillaume? Allô. Je ne sais pas. Est-ce que tu as bien entendu Amadou ou bien tu as eu des problèmes? Oui, allô. Ok. Ok, Guillaume, tu m'entends? Ok, Amadou. Oui, nous voudrions que tu nous rappelles un peu. On sait que Haïti a sa monnaie personnelle. Nous voudrions que tu nous rappelles un peu sur ce que tu parlais de la monnaie. Venga, le pedimos de nouveau information sur le punto de la moneda. Oui, Jérôme, nous voudrions que tu nous parles un peu de la monnaie en Haïti, parce que tu parlais de la monnaie après l'appel a été coupé. Nous voudrions que tu nous rappelles un peu ce que tu parlais de la monnaie en Haïti. No, hay problemas. Hay problemas, no, él no escucha. No nos está, no está escuchando. Aló, Guillaume. No, vamos a intentarlo de nuevo. Saba, es que tú no escuchas, pa. No, vamos a retomar la comunicación con un durito de música para que. ¡Wow! Eso de Haití. ¿Es música haitiana? Esa música haitiana. Thank you. Amadou, ¿tú escuchas a Rafa? Amadou. Amadou.